Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une série d'émissions autour d'Emmanuel Lévinas, initialement diffusée en février 2019. Aujourd'hui, premier temps, portrait d'un philosophe captif. Emmanuel Lévinas est né en janvier 1906 en Lituanie. Il étudie la philosophie à Strasbourg entre 1923 et 1930, séjourne en Allemagne, à Fribourg, auprès de ses maîtres en philosophie, Husserl et Heidegger, puis revient en France où il est naturalisé en 1930 et il continue sa carrière de professeur de philosophie à l'université de Poitiers, de Paris-Nanterre et à la Sorbonne. Penseur de l'altérité, de l'hospitalité et de la responsabilité, il est à l'honneur ce mois-ci dans un hors-série de Philosophie Magazine. Et c'est l'occasion pour nous d'explorer pas à pas cette pensée ardue et séduisante qui est plus que jamais d'actualité. Alors pour commencer, fidèle à Lévinas, comme tous les matins, nous allons accueillir l'autre et susciter une rencontre, ce qui est en soi un geste philosophique, voire le geste philosophique par excellence, car comme l'écrit Lévinas, même la philosophie qui questionne le sens de l'être le fait à partir de la rencontre d'autrui. Toute rencontre commence par une bénédiction contenue dans le mot « bonjour ». To save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day. How's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Good morning, Frédéric Worms. Good morning, Adèle Van Rett. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci de votre invitation. Quel bon point de départ, ce bonjour qui est le point de départ de chaque émission ici ce matin, qui est en même temps sans doute le point de départ de la pensée d'Emmanuel Lévinas. C'est-à-dire la force de Lévinas, contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est pas de mettre le rapport à autrui dans un au-delà inaccessible, dans une philosophie de la transcendance, mais plutôt dans le quotidien. Alors il interprète des formules de tous les jours. Il y a le bonjour, il y a aussi cette formule de politesse, quand on laisse passer quelqu'un par une porte, on dit « après vous », et ça, pour lui, ça résume toute sa philosophie. C'est de passer après l'autre, ou bien la rencontre d'un visage. Il dit « quand je croise un visage humain, je peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il va me demander ou me dire ». Et donc, d'une certaine manière, c'est une philosophie qui, certes, retrouve cela à travers tout un travail critique, tout un travail d'ouverture, mais en même temps, c'est dans notre vie tous les matins. Alors, Lévinas, j'ai rapidement parcouru sa biographie. On va la déplier ensemble aujourd'hui, Frédéric Worms, pour ce premier temps de notre série d'émissions. On va en faire quatre sur Lévinas. Il fait l'objet, je l'ai dit, d'un hors-série dans Philosophie Magazine. Comment expliquer qu'aujourd'hui, Lévinas soit encore, alors d'actualité on va le voir, mais en tout cas encore étudié, alors que pendant longtemps sa pensée n'était pas, disons, au premier rang de la philosophie française? Alors j'ai été frappé dans la biographie que vous avez résumée, qu'on va déplier un peu compliqué aussi, c'est allé très vite, c'est-à-dire on le voit quitter la Lituanie, passer par l'Allemagne philosophique, et puis arriver en France, puis après on a l'impression que c'est une sorte de voie royale universitaire, telle que vous l'avez résumée. Il y a quand même quelques épisodes plus compliqués. Ça, oui. Il y a quand même la Seconde Guerre mondiale, qui vient l'ébranler, son rapport à la France, mais en même temps le renforcer et l'ébranler en profondeur. Et puis après, il y a l'après-guerre où il développe peu à peu sa propre philosophie qui éclate dans les années 60, mais la vraie reconnaissance, en un sens comme Ricoeur, qui a été un de ceux qui, dans la philosophie française, l'ont accompagné, c'est dans les années 80-90. Le moment de l'éthique, le moment Lévinas, c'est plutôt dans les années 80-90. Et encore aujourd'hui, je pense, on en a la trace parce qu'on n'a pas quitté ce moment. Alors, qu'est-ce que veut dire le moment? C'est le moment où, dans les années, par exemple, dans les années 60, Lévinas est un penseur de la différence, de la différence morale, du rapport à autrui, alors que la différence telle qu'elle est comprise dans les années 60, c'est dans le langage, c'est dans le structuralisme. Et au fond, Lévinas passe un peu inaperçu. Bien sûr, il critique, comme les autres, comme Derrida et d'autres qui l'ont aussi beaucoup lu, la métaphysique. Il pense qu'il faut aller au-delà du langage qui nous cache l'altérité réelle de l'autre. Mais il est dans une thématique morale qui doit attendre les années 80 pour passer au premier plan. Et aujourd'hui, je pense qu'on y est encore. La question de Lévinas de l'exigence morale dans un monde qui semble avoir perdu ses repères, elle est toujours là. Donc moi, je suis pas surpris qu'il soit là. Mais par contre, faut pas oublier qu'il a mis longtemps a émergé. Vous êtes Frédéric Vance, professeur de philosophie contemporaine à l'École normale supérieure, dont vous êtes le directeur adjoint. Vous êtes également membre du Comité consultatif national d'éthique. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la philosophie française et vous avez développé ce concept de moment. Vous dites que c'est un moment Lévinas. Ouais. Alors justement, vous parliez de ce moment Lévinas. Qu'est-ce que Lévinas a apporté dans le paysage de la philosophie française ? Il a, encore une fois, ça s'est fait en plusieurs temps. Donc il est le contemporain de trois grands moments, au sens où il y a un moment, ça veut dire qu'il y a des discontinuités dans l'histoire de la philosophie. Il y a des thèmes dominants et puis après il y a une rupture qui peut venir d'une expérience historique ou d'une découverte scientifique. Par exemple, aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup dans les questions du vivant, à cause du cerveau, à cause du climat, à cause d'un certain nombre de choses. Auparavant, c'était plutôt le langage, les sciences humaines. Mais Lévinas a accompagné trois grands moments de la philosophie française. Dans les années 30, quand il arrive, il apporte avec lui la phénoménologie, mais aussi la question de l'existence, la question du rapport de la conscience au monde, et finalement il est le contemporain immédiat de Sartre. Sartre et lui partagent véritablement l'essentiel, mais on a mis longtemps à s'en apercevoir, aussi pour des raisons circonstancielles. Sartre devient célèbre en 43, pendant que Lévinas est dans un camp de prisonniers militaires, et il y a un décalage. Donc ensuite, dans les années 60-70, par sa théorie de la différence, comme je disais, il accompagne la critique de la métaphysique qui devient dominante en France. Mais vraiment, c'est quand la question morale revient, par-delà la critique, retrouver un fondement de la morale, qui là, il devient absolument central. Donc il y a ces trois moments, et Lévinas les a tous accompagnés, parfois en sourdine, parfois en demi-teinte, parfois de manière un peu effacée, et à la fin, finalement, de manière éclatante. Alors on va rentrer dans le texte de Lévinas et dans sa vie, mais avant cela, vous dites le retour de la morale, ça veut dire que en philosophie ou dans la société, il y a un moment où la morale revient sur le devant de la scène ? C'est-à-dire, il y a eu, au fond, une philosophie métaphysique de la liberté, par exemple chez Sartre, qui remettait la conscience face à ses responsabilités, mais sans norme absolue. Le problème de Sartre, c'était de trouver une norme. Finalement, il l'a trouvée dans l'histoire. Il faut accomplir la liberté dans l'histoire. Mais à ce moment-là, dans les années 60, justement, l'enjeu était plutôt politique. Et il fallait avant tout changer les régimes sociaux et le rapport de ma responsabilité à la vulnérabilité d'autrui finalement passait après les structures sociales. Et Lévinas est celui qui a dit il va y avoir des conséquences politiques de la morale, mais il faut commencer par le face-à-face de ma responsabilité et du visage de la vulnérabilité d'autrui. Ça n'était en effet pas dans l'air de tous les temps, je dirais, dans l'ère. C'est revenu dans l'ère de notre temps. Et je crois que notre question, c'est quand même aussi de redécouvrir que chez Lévinas, au-delà de cette exigence morale première qu'il veut fonder dans notre être même, dans notre existence, il y a justement une métaphysique et une politique. Il ne faut pas le réduire simplement à ce face-à-face. Mais quand même, avec ténacité, Sartre disait de Camus qu'il lâchait jamais la morale dans son petit poing serré. Lévinas, c'est un peu pareil. C'est plutôt dans un sourire exigeant, mais il ne cédera pas. Il faut partir de ce face-à-face, sinon vous ne rejoindrez jamais la politique elle-même, dans la justice, dans la politique. C'est-à-dire que vous pouvez rejoindre la politique, mais pas la justice. Donc repartons de la morale pour retrouver tout le reste. C'est sa position. C'est nous qui allons être face-à-face avec Lévinas cette semaine. Voici un texte de Difficile Liberté, 1963, un texte magnifique, hein, Difficile Liberté. Alors difficile, l'adjectif s'applique à Liberté, mais aussi à la langue de Lévinas. Bien souvent, ses écrits peuvent paraître assez ardus de premier abord. Ici, vous allez voir, c'est plutôt descriptif, puisqu'il raconte, il met en récit sa propre biographie à travers certains événements, jusqu'à une chute, la dernière phrase, vous allez l'entendre. Alors suivez-le dans le récit de sa vie, puis ensuite vous me direz, Frédéric Worms, comment vous l'interprétez. La Bible hébraïque dès le plus jeune âge en Lituanie, Pouchkin et Tolstoï. La révolution russe de 1917 vécue à 11 ans en Ukraine. Depuis 1923, l'université de Strasbourg, où enseignait alors Charles Blondel, Alpvax, Pradine, Carteron et plus tard Guérou. Amitié de Maurice Blanchot et, à travers les maîtres qui avaient été adolescents lors de l'affaire Dreyfus, vision, pour un nouveau venu, éblouissante, d'un peuple qui égale l'humanité et d'une nation à laquelle on peut s'attacher par l'esprit et le cœur aussi fortement que par des racines. Séjour en 1928-1929 à Fribourg et apprentissage de la phénoménologie commencé un an plus tôt avec Jean Hering. La Sorbonne, Léon Brunschvig. L'avant-garde philosophique aux soirées de samedi chez Gabriel Marcel. le raffinement intellectuel et anti-intellectualiste de Jean Val et sa généreuse amitié retrouvée après une longue captivité en Allemagne. Conférence régulière depuis 1947 au collège philosophique que Val avait fondé et qu'il animait. Direction de la centenaire École normale israélite orientale, formant des maîtres de français pour les écoles de l'Alliance israélite universelle du bassin méditerranéen. En communion quotidienne avec le docteur Henri Nerson. Fréquentation de Monsieur Chouchani, maître prestigieux et impitoyable d'exégèse et de Talmud. Conférences annuelles depuis 1957 sur les textes talmudiques au colloque des intellectuels juifs de France. Thèse de doctorat S-Lettres en 1961, professorat à l'Université de Poitiers depuis 1967, à l'Université de Paris-Nanterre et depuis 1973 à Paris-Sorbonne. Cet inventaire disparate est une biographie. Elle est dominée par le pressentiment et le souvenir de l'horreur nazie. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, Emmanuel Lévinas est à l'honneur cette semaine en partenariat avec Philosophie Magazine. C'est aujourd'hui le philosophe Frédéric Worms qui vient nous en parler, vous le présenter si vous ne le connaissez pas. Ce texte est une bonne manière de faire connaissance aussi par l'utilisation de sa langue, Frédéric Worms. Il le dit bien, cet inventaire disparate est une biographie, c'est comme ça qu'il veut procéder. Alors c'est un petit texte qui s'intitule « Signature ». Et qui vient dans la deuxième édition de Difficile Liberté, qui est un recueil d'essais dans lesquels on voit que Emmanuel Lévinas n'est pas seulement un philosophe, j'allais dire pur, du fondement, par exemple, de la morale, mais qu'il intervient dans l'histoire de son temps. C'est un recueil d'interventions sur toutes sortes de sujets, mais qui est une sorte de table d'orientation dans le XXe siècle en France et dans le monde, philosophique et politique. Et dans ce petit texte qui s'intitule Signature, que moi, personnellement, j'ai toujours lu comme étant très rapide, où tous les événements de sa vie défile, et là il a été lu très lentement, de façon très belle, en détachant chaque événement. Dans ce petit texte, il récapitule sa vie. Ce sont avant tout, vous l'avez entendu, des lectures, ça va de la Bible jusqu'à l'écriture de ses propres livres, en passant par des rencontres intellectuelles. La France aussi, où il arrive, c'est un pays, dit-il, où on peut s'attacher par le cœur et pas seulement par ses racines. Donc c'est le pays de Dreyfus. Il naît en Lituanie. Il arrive en France, il naturalise en France en 1930. Il part en Allemagne faire de la philosophie. Il assiste à des moments majeurs de l'histoire de la philosophie allemande, notamment la rencontre en Suisse, à Davos. Il n'y avait pas que des financiers. À l'époque, il y a eu une grande rencontre philosophique très importante où Heidegger a rompu les amarres avec l'universalisme kantien, ouvrait la philosophie sur autre chose, avec tous ses dangers aussi. Et Lévinas était là et mesurait l'enjeu. Puis il y a eu son arrivée en France avec le souvenir de Dreyfus. Pour lui, la France, c'est le pays qui a défendu l'universel, qui ne tombe pas dans la guerre des nations, la guerre au nom des nations ou des identités. Et puis aussi, c'est aussi la philosophie de Bergson, plus en retrait, parce que ce moment-là, justement, rompt aussi avec Bergson. Mais il dit Paris, c'est Bergson, quand il arrive. Et puis, ensuite, c'est la guerre, son camp de prisonniers, lui-même en réchappe. Il est dans un camp pour prisonniers militaires israélites, comme on disait, des officiers français, mais qui n'ont jamais été déportés dans un camp d'extermination, pendant que sa famille se faisait assassiner en Lituanie, d'où la dernière phrase... pudique. Cet inventaire mais en même disparate temps terrible. Est une biographie, elle est dominée par le pressentiment et le souvenir de l'horreur nazie. Voilà, et entre le pressentiment et le souvenir, il y a un trou noir. Et ce trou noir, évidemment, Lévinas l'a rencontré dans un très beau recueil intitulé Nom propre. Il y a un passage qui s'appelle Sans nom. Sans nom, c'est l'horreur sans nom de cette période. Et donc ce trou noir est là. Et toute sa famille a été exterminée dans des conditions particulièrement atroces. Et lui-même, donc, effectivement, là, le dit de manière très pudique, mais ça a été, au fond, il a mis 20 ans après la guerre pour en tirer une philosophie morale. Ça n'a pas été tout de suite le cas. Et dans ce texte très pudique intitulé Signature, ce sur quoi il insiste finalement, c'est qu'il a été de son temps, qu'il a rencontré tous les acteurs de la philosophie française. française, Jean Val, qu'il dédie Totalité et Infini, son chef-d'œuvre, Jean Val et Marcel Val, sa femme. C'était Jean Val, un philosophe français central, celui qui avait introduit en France aussi beaucoup de pensées, contemporain de Sartre et donc de Lévinas, et qui avait reconstitué après la guerre un milieu philosophique en France. Il avait accueilli Lévinas. Lévinas était tout seul, un peu frustré, parce que contemporain de Sartre, il voit Sartre qui a pris de l'avance. L'être et le néant paraît en 43, lui il revient après la guerre, il publie De l'existence à l'existence, s'excusant presque de n'avoir pas lu L'être et le néant, et sans Jean Val qui l'accueille au collège philosophique, qui lui fait faire ses premières conférences du temps, le temps et l'autre, de l'existence à l'existant, peut-être qu'on n'aurait pas Lévinas aujourd'hui. Donc l'accueil, il est le philosophe de l'accueil, mais il a été un philosophe accueilli avec hospitalité dans la France philosophique. Pourquoi lui-même a-t-il choisi de faire de la philosophie ? Comment avoir la prétention de faire une œuvre philosophique quand, vous l'avez dit, tant d'autres philosophes écrivent avec succès au moment où lui-même vit ? Voici sa réponse. Faire de la philosophie, continuer à faire de la philosophie, être véritablement philosophe et non simplement diplômé de philosophie, pose un problème. Et il y avait par conséquent, vers la fin de mes études, un moment d'angoisse qui ne tenait pas à des problèmes de situation. C'était une époque où les gens trouvaient, les étudiants n'y pensaient pas beaucoup. Les voies étaient ouvertes. Mais c'était, ça va, comment peut-on philosopher ? Que peut-on faire ? Est-ce que j'ai appris une façon de philosopher qui ne serait pas la simple lecture de grands livres et la simple imitation de ce qu'ont fait les autres. Est-ce que la philosophie est possible comme pensée, comme œuvre ? C'est une question qu'on se pose tous quand on commence des études de philosophie, Frédéric Bern. Vous dites que c'est magnifique en l'écoutant, c'est émouvant. Je trouve ça magnifique, oui, de dire tout de suite on veut être philosophe et pas seulement diplômé de philosophie. Ouais. Et en même temps, on est intimidé par cette exigence intérieure. Je pense qu'il en a de même sans doute pour un musicien, s'il veut être musicien, ou pour finalement n'importe quelle vocation. Il y a déjà tout de suite une sorte de dimension de transcendance chez Lévinas, une sorte de désir d'aller dans l'altérité, de ne pas faire de la philosophie simplement la manipulation de concepts. Il l'a toujours dit dans le mot concept. D'ailleurs, il voit le mot prise, begriff, saisir. Concept, c'est prendre. Et en fait, il veut pour lui que la philosophie soit aussi une exigence absolue, quelque chose qui ne se réduise pas à une maîtrise d'un savoir, par exemple. Hein. Et donc, on l'entend. Alors, ce qui se passe pour lui, c'est qu'il est finalement, il est le contemporain de ce qu'il perçoit comme une révolution philosophique, son rapport à Heidegger. Mais avec lequel il a tout de suite une insatisfaction. Parce que justement, je pense que ce qu'il trouve chez Heidegger, comme tous les élèves de Heidegger, les neveux de Heidegger, dont beaucoup ont repris l'exigence mais l'ont déplacé, c'est l'idée que la philosophie, justement, est une échappée hors du monde qui devient alors un peu oppressant, selon eux, de l'action quotidienne, du rapport aux objets, de la domination technique. Alors peut-être qu'ils se trompent, hein, je ne dis pas que je suis entièrement d'accord avec ça, mais en tout cas, il y a cette dimension. Voilà. Et Heidegger dit, il y a les étangs, il y a les choses. Et puis, il y a la question de ce que c'est qu'être une chose. La question de l'être qui va au-delà de simplement la manipulation des êtres. Oui, il distingue l'être de l'étang. La question de l'être, surtout. C'est l'homme et l'être qui va au-delà des choses, mais qui se demande pourquoi il y a quelque chose. Et cette transcendance de la philosophie, c'est ce qu'ils ont tous retenu. Simplement, pour Lévinas, comme pour Sartre, l'être n'est pas la bonne réponse. L'être, en fait, c'est plutôt au contraire notre englument dans les choses. C'est-à-dire que Heidegger se dit que pour saisir l'essence des choses, il faut réfléchir sur l'être. Sur ce que c'est. Sur ce que c'est. Et Lévinas va dire non, en fait, c'est pas la bonne façon. Et Lévinas et Sartre disent, la question est bien posée, il faut sortir des choses, mais la question de l'être n'est pas la bonne façon, parce qu'au contraire, l'être, ça nous remet le nez, finalement. Et Sartre et Lévinas sont les deux penseurs de l'évasion. Ça reste un concept. De la nausée. Sartre, pour lui, la question de l'être, c'est vraiment ce qui nous enferme. Et en fait, il faut plutôt s'interroger pour Sartre sur celui qui pose la question. Et c'est ma liberté. Et donc Sartre est un humaniste. Et chez Lévinas, la question de la transcendance, finalement, l'être est la mauvaise réponse. Et c'est chez autrui qu'il va la trouver. Et donc c'est l'autre homme, c'est vous, en face de moi, qui me faites échapper aux choses. Vous, je ne pourrais jamais vous maîtriser, Adèle Vendrette. Mais non, vous ne pourrez pas me maîtriser non plus. Mais n'essayez pas non plus de loin de moi cette idée. Donc voilà, ça veut dire que Sartre et Lévinas disent, au fond, Heidegger a posé la bonne question, mais il a une mauvaise réponse. Et Hannah Arendt, finalement, dira aussi la même chose. Pour elle, c'est dans la pluralité des hommes, dans le langage, dans l'espace politique, qu'on échappe à la chose maîtrisable, que la diversité des paroles politiques est ce qui nous fait échapper à l'oppression des choses. Donc ils ont tous trouvé ce désir de transcendance qui répond pour eux à l'exigence philosophique, mais chacun dans sa direction. Et voilà, les élèves de Heidegger sont aussi des parricides. Et finalement, Lévinas, moi je le pense, par exemple, sur la question de l'antisémitisme de Heidegger, je dis souvent, la question se pose peut-être, mais regardez Lévinas, c'est lui qui a, au fond, tordu cette philosophie qui pouvait conduire à toutes sortes de choses, parce que Heidegger, finalement, a assimilé, avec les clichés antisémites de l'époque, pour Heidegger, ceux qui restaient dans les choses, qui n'accédaient jamais à la transcendance, les choses, c'était aussi le commerce, c'était la technique, c'était l'argent. Et les clichés antisémites se sont rabattus là-dessus. Et pour lui, la transcendance était forcément antisémite. En un certain sens, je vais très vite. Et puis Lévinas arrive et dit, c'est le contraire. La transcendance est autrui. Et dans toutes les religions, y compris le judaïsme, bien sûr, il y a ce rapport à autrui. En termes philosophiques, on appelle ça le passage de l'ontologie à l'éthique. Écoutez-le. Ou bien une prise de judo. Ouais, bah voilà, ça c'est vous qui dites, c'est moins technique. Enfin, c'est une autre sorte de technique, moins philosophique et plus sportive. Écoutez Lévinas formuler cette distinction au micro de Philippe Nemo. C'était en mars 1981. La philosophie aurait été, même quand elle ne s'en rendait pas compte, une tentative de répondre à la question de la signification de l'être, à la signification du verbe être. Et par conséquent, exactement comme Husserl proposait un programme de philosophie, Heidegger définissait la philosophie d'une manière tout à fait clair par rapport à tous les autres modes de connaissance, c'était une ontologie fondamentale. Remplacer l'éthique, enfin l'ontologie par l'éthique, ça veut dire, Frédéric Worms, il faut en prendre la mesure, vous avez parlé de prise de judo, c'est une révolution. Ça veut dire que le point de départ, c'est plus la subjectivité, c'est plus soi, c'est l'autre. C'est une révolution, il faut définir un peu les mots. L'ontologie, c'est ce terme issu du grec qui veut dire simplement le discours sur l'être. Et c'est l'idée que la philosophie est avant tout, finalement, une entreprise de connaissance. Encore chez Heidegger, qui dit même si le but pour lui n'est pas de connaître les choses, mais de poser la question de l'être au-dessus de la connaissance des choses, c'est quand même encore, qu'est-ce qu'il en est de ce que nous sommes, de l'être, qu'est-ce qu'il en est de nous-mêmes qui questionnons l'être, etc. Et c'est vrai que Lévinas fait une double prise de judo, une double prise peut-être dans la lutte philosophique qui est quand même vitale. Hein. La philosophie, c'est aussi toujours philosopher à plusieurs. C'est toujours philosopher avec et contre d'autres. Et heureusement, c'est la controverse. Et Lévinas ne se contente pas de dire la vraie sortie hors du monde des choses, de la maîtrise, c'est autrui. C'est que autrui, ça n'est pas seulement un objet que je connais. C'est dire autrui et non pas l'être, c'est dire en effet la morale et non pas la connaissance. Autrui est toujours celui qui non seulement me fait échapper au monde, mais ça, et il a fallu encore du temps après la guerre pour que Lévinas le formule, autrui est celui qui tout de suite m'impose un commandement, celui que non seulement je découvre, mais auquel je me soumets, auquel le moi se soumet. Et c'est la clé de la transcendance, c'est après vous. Alors, ça fait plusieurs fois que vous employez ce terme de transcendance à propos de l'être chez Heidegger et là chez autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la transcendance? D'abord, la transcendance, c'est un désir pour Lévinas que nous avons tous. Nous sommes des êtres métaphysiques et on se sent... C'est sortir hors de ce monde. C'est le désir d'absolu. Le désir, nous sommes dans un monde relatif. Même la satisfaction des besoins ne nous satisfait pas entièrement. Nous avons besoin nous avons une aspiration à quelque chose d'absolument autre. D'absolument autre que ce que nous avons. Lévinas la prend très très au sérieux. Et finalement, chez Sartre aussi, on a cette question de la transcendance, sauf que chez Sartre, nous sommes des libertés, et la transcendance, c'est le monde. La moindre chose, le verre d'eau, n'est pas moi. Je sors de moi dès que je saisis quelque chose dans le monde. Pour Lévinas, non, il faut quelque chose de plus, et ce désir de transcendance, c'est-à-dire de tout ce qui déborde de l'ordre de ma connaissance et de ma maîtrise, il est comblé par surprise. Je cherche quelque chose et je ne réalise pas qu'en fait, dès que je rencontre quelqu'un, en fait, j'ai déjà échappé à l'enfermement dans l'immanence et la transcendance est là, mais donnée sans même que j'aie à la chercher. Donc, quelle différence entre la transcendance et l'altérité? Parce qu'autrui, c'est l'autre, c'est une irruption, vous le dites, dans mon être, dans mon existence, mais il n'est pas forcément transcendant, il fait partie du même monde que moi. L'altérité, sans transcendance, c'est ce que je peux ramener à un genre commun. Donc, vous êtes un autre être humain. Et donc, si nous examinons tous les deux par rapport au genre humain, Il n'y a plus de transcendance. Nous sommes tous les deux des cas d'un genre, des exemples de l'espèce humaine, ce que nous sommes aussi. Et d'ailleurs, moi, c'est là que je me poserais peut-être à Lévinas. Moi, je suis plus dans le vivant, dans notre appartenance, en effet, commune, terrestre, empirique, à un genre humain, à un monde commun, etc. Et donc, il n'y a pas forcément de communauté chez Lévinas. Ouais. Chez Lévinas, il y a d'abord, justement, l'idée que vous n'êtes pas simplement un autre être humain ou une autre citoyenne française ou une autre de quelque chose. Une autre dans un genre commun. Vous êtes absolument autre par rapport à moi. Et cette singularité irréductible, c'est cela qu'il appelle transcendance. Dès que vous pouvez la réduire à du commun, on n'est plus dans la transcendance. Alors c'est peut-être exorbitant, mais c'est, selon lui, à la fois phénoménologiquement, c'est-à-dire immédiatement descriptible, et surtout, c'est la seule manière de rendre compte de cette présence que vous avez devant moi, que je ne peux pas saisir et à laquelle je dois, au fond, plutôt obéir, vers laquelle je me tourne. Oui, voilà. Parce que Lévinas va faire un pas de plus, et ça, on en reparlera davantage demain. Éthique, mais quand même, l'irruption d'autrui dans ma vie, c'est aussi le fondement d'une responsabilité morale. C'est que le visage d'autrui, il y a toute une réflexion de Lévinas sur le visage, est aussi le lieu d'une injonction. Il est à la fois, il apparaît dans sa vulnérabilité, dans sa nudité fragile, et en même temps, il apparaît aussi comme un interdit. Il est si fragile que je pourrais le tuer, dit Lévinas, mais tout dans son visage exprime une seule phrase, une injonction, tu ne tueras point. Voilà, alors ça c'est la description qu'il a essayé de rendre tout à fait universelle et formelle dans Totalité et Infini en 1961, 10 ans plus tard dans Autrement qu'être, qui est un livre très difficile à lire, parce que précisément il s'est aperçu progressivement que ce qu'il voulait dire pouvait être trahi par le langage de tous les jours. Parce que le langage, c'est comme chez Bergson, comme chez Derrida, il y a une critique du langage. Le langage nous force à mettre dans un même genre. Je dis vous êtes une autre... personne, par exemple. Rien que ce mot personne, pof. C'est une étiquette. C'est dans un genre. Donc, il critique le langage et son écriture devient très tourmentée et nous force à sortir des concepts généraux. Mais pourtant, ça devient de plus en plus concret. Et par exemple, l'exemple qu'il prend dans Autrement qu'être, c'est l'exemple de l'inquiétude de la mère pour son enfant. Pour elle, autrui est une obsession. Et elle est prête à se sacrifier. Et finalement, pour lui, et c'est le cas aujourd'hui face aux migrants qui est menacé de mort dans la mer Méditerranée, à nos portes, à nos frontières, sous nos fenêtres, nous devons être obsédés, non seulement par autrui, mais par la fragilité d'autrui. Le fait que vous soyez là absolument transcendante et en même temps absolument fragile, et normalement devrait m'obséder. Et littéralement m'obséder. Lévinas est quand même hyperbolique toujours. Parce qu'en fait, il est hyperbolique parce que la philosophie, la métaphysique, la science, la vie, l'action, nous oblige à ramener sur Terre. Nous oblige à... On ne peut pas vivre tout le temps dans la transcendance. Là, nous parlons, nous avons une émission. Demain, après, il va falloir manger, boire. On ne peut pas toujours voir dans autrui quelque chose. Mais il faut pourtant être obsédé au-delà des besoins qui reviennent toujours nous ramener dans le genre commun. Comme un aiguillon moral qui doit toujours se rappeler à nous. L'inquiétude maternelle, et je trouve c'est significatif qu'il prenne ça finalement comme exemple dans Autrement qu'être. C'est-à-dire, là tout le monde le ressent, il peut se passer n'importe quoi pour la mère si elle apprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour son enfant. Elle va finalement ne vivre que pour lui et être prête à cette substitution que Lévinas nous demande. C'est-à-dire le faire passer l'autre après, avant nous, et dire après vous. Alors le petit geste de politesse quotidienne, après vous, devient un geste d'inquiétude morale universelle. On va revenir sur cette contradiction entre l'altérité, la prise en compte de l'altérité, et l'impossible communauté qui peut en découler, parce que considérer l'autre comme autre, c'est peut-être ne pas le considérer comme faisant partie du même groupe que soi, et on verra en quel sens ça peut poser un problème, notamment avec la question des migrants que vous avez abordé. D'abord, écoutons un autre texte d'Harry Worms, un autre extrait de Difficile Liberté. On parle de l'importance du visage d'autrui comme injonction morale. Eh bien, Lévinas raconte que dans son expérience de prisonnier de guerre, une anecdote, une rencontre avec un visage qui n'est pas celui d'un homme et qui est pourtant le reflet de sa propre humanité, c'est la rencontre avec un chien, Bobby le chien. Nous étions 70 dans un commando forestier pour prisonniers de guerre israélites en Allemagne nazie. Le camp portait, coïncidence singulière, le numéro 1492, millésime de l'expulsion des Juifs d'Espagne sous Ferdinand V le catholique. L'uniforme français nous protégeait encore contre la violence hitlérienne. Mais les autres hommes, dits libres, qui nous croisaient ou qui nous donnaient du travail ou des ordres, ou même un sourire, et les enfants et les femmes qui passaient et qui parfois levaient les yeux sur nous, nous dépouillaient de notre peau humaine. nous n'étions qu'une quasi-humanité, une bande de singes. Force et misère de persécuter, un pauvre murmure intérieur nous rappelait notre essence raisonnable. Mais nous n'étions plus au monde. Voici que vers le milieu d'une longue captivité, pour quelques courtes semaines et avant que les sentinelles ne l'eussent chassé, un chien errant entre dans notre vie. Il vint un jour se joindre à la tourbe alors que, sous bonne garde, elle rentrait du travail. Il vivotait dans quelques coins sauvages aux alentours du camp, mais nous l'appelions Bobby, d'un nom exotique, comme il convient à un chien chéri. Il apparaissait aux rassemblements matinaux et nous attendait au retour, sautillant et aboyant gaiement. Pour lui, c'est incontestable, nous fûmes des hommes. Le chien qui reconnut Ulysse sous le déguisement à son retour de l'Odyssée, était-il le parent d'une autre? Mais non, là-bas ce fut l'Ithaque et la patrie, ici ce fut nulle part. Dernier qu'ancien de l'Allemagne nazie, n'ayant pas le cerveau qu'il faut pour universaliser les maximes de ses pulsions, il descendait des chiens d'Égypte. Et son aboiement d'ami, foi d'animal, naquit dans le silence de ses aïeux des bords du Nil. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Bobby, le dernier qu'ancien d'Allemagne, Bobby le chien, eh bien c'est Lévinas qui écrit ce texte que vous venez d'entendre lu par Vincent Schmitt. Frédéric Worms, alors il faut entendre à la fois une ironie mais une question philosophique à prendre vraiment au sérieux. Est-ce que le chien est un autrui comme les autres? En tout cas, dernier qu'ancien de l'Allemagne nazie, il faut expliquer un petit peu, évidemment. C'est-à-dire que le chien ne fait pas de différence entre les gardiens allemands et les prisonniers français et israélites ou juifs qu'il a sous les yeux. Pour lui, ce sont tous des êtres humains. Ça veut dire qu'il est spontanément dans l'universel. Et évidemment, l'ironie de Lévinas est tragique. L'Allemagne est déchirée entre un modèle philosophique qui a défendu l'universalité, l'humain au-dessus justement des animaux, l'humain pas des... La dignité humaine fondée sur la raison et pas seulement sur la vie. Et puis le nazisme qui a fait des frontières infranchissables entre les humains au point que les uns soient voués à être les esclaves des autres et les autres à exterminer les uns. Et voilà que ce chien est plus qu'ancien que les humains. Alors qu'ancien, ça veut dire quoi? Universaliste. Il fait pas de différence. C'est tout. Il fait pas de différence. Il fait pas de différence. Il a envie de jouer avec le prisonnier comme avec le gardien. Ce sont pour lui tous des humains. Et au fond, on voit bien que, c'est parce que vous disiez, autrui peut être aussi enfermé dans une communauté. Au fond, la singularité d'autrui rejoint l'universel des humains. Pour Lévinas, finalement, l'individualité de votre visage. Chaque homme et tous les hommes. Voilà. Chaque homme et tous les hommes. Et entre les deux, l'enfermement dans une identité qui nous coupe des autres est une violence absolue, de telle sorte que ce chien permet aux humains de se rappeler à leur propre devoir. C'est quand même très fort, parce que ça veut dire que parfois, c'est l'animal qui est plus humain que l'humain. Alors, évidemment, chez Lévinas, beaucoup de philosophes de l'écologie aujourd'hui ou de l'animal le critiquent pour cela, seul l'être humain au sens strict a un visage. Le visage, et c'est là qu'il revient de Heidegger, le visage n'est pas seulement cette face d'un corps organique, c'est tout de suite une parole, l'appel à une transcendance, et je pense que finalement, il y a un paradoxe dans cet éloge du chien, dans ce texte assez unique dans son œuvre. Il y a un paradoxe au sens où, pour Lévinas, et Derrida le lui a beaucoup reproché, le visage n'est pas celui d'un être vivant, mais d'un être qui dépasse le vivant par un appel à la morale. Et Lévinas et Derrida avaient dit à Lévinas, mais enfin, le visage, c'est aussi le visage d'un corps vivant. Et le tu ne tueras point prouve bien que le visage est mortel. Donc c'est aussi la vulnérabilité vitale du visage. Et Derrida, lui, avait été ému par le visage de son chat, le regardant sortir nu de la douche. Et il aurait assumé, disons, la transcendance du visage du chien aussi. pas Lévinas. Le chien ici est plutôt un rappel à l'humain de sa condition, plutôt que lui-même un sujet moral. Je crois que c'est toute l'ambiguïté. On ne peut pas étendre l'éthique lévinassienne jusqu'aux animaux. Certains le font aujourd'hui. Ouais. Certains le font aujourd'hui. À mon avis, n'ont pas tort de chercher à le faire, mais je ne suis pas sûr que Lévinas lui-même l'aurait fait. On entre aujourd'hui dans la question des usages de Lévinas, oui. Au-delà de Lévinas lui-même, et d'ailleurs des conflits entre les disciples de Lévinas. Il y a aussi aujourd'hui la question, est-ce qu'on peut aller plus loin encore que lui dans l'universalisation de l'exigence éthique. Vous qui êtes membre du Comité consultatif national d'éthique, est-ce que la pensée de Lévinas vous est utile dans ce comité ? Elle est nécessaire, je ne crois pas qu'elle soit entièrement suffisante. Par exemple, pour prendre un point très simple, je me dis souvent qu'elle est nécessaire pour comprendre l'essence du soin, qui est comme dévouement à la vulnérabilité d'autrui. Et beaucoup de philosophes de l'éthique médicale se disent lévinassiens, certains un peu superficiellement, parce que la grandeur des grands philosophes, c'est qu'ils sont aussi devenus des vulgates, des pensées qu'on applique sans plus y penser, d'autres très profondément. Et je pense par exemple à Lazare Benaroyo en Suisse, qui en a fait un usage très clinique, très concret dans les hôpitaux, de finalement rappeler au médecin qu'il doit écouter la parole de l'autre, pas seulement lui dicter son diagnostic. Mais en même temps, ce dévouement à autrui, il n'y a pas que ça dans la médecine. Oui, quand Michel Foucault, par exemple, critique aussi le pouvoir médical, je pense qu'il dit l'autre face de l'éthique médicale, qui est aussi une critique du pouvoir et pas seulement un dévouement envers autrui. Et puis, il y a quand même cette question aussi du geste. Alors, Lévinas parle brièvement, mais toujours admirablement de la médecine, comme incarnation du rapport à autrui. Mais en même temps, la médecine, c'est justement pour ne pas mourir, pour soigner des maux du corps. Et de cet aspect du vivant, Lévinas parle assez peu. Comment relier finalement le rapport à autrui comme être moral et le rapport à autrui comme corps vivant? Chez lui, ça reste un peu un mystère. Donc je pense qu'il faudrait compléter par une philosophie de la vie, mais sans quitter l'exigence éthique. Mais ça permet de questionner l'applicabilité de l'éthique lévinassienne. Au fond, vous l'avez dit, il est très hyperbolique, mais vivre en après autrui en permanence, vivre en se plaçant soi-même après autrui n'est pas vraiment tenable et n'est pas applicable dans le cadre médical. Vous l'avez très bien dit, parce que le médecin lui-même ne peut pas se dévouer entièrement au patient et il y a un soin minimum à s'apporter à soi-même pour pouvoir être présent à autrui. Alors, les derniers mots que vous venez de dire pour moi sont fondamentaux. Par exemple, il est vrai que chez Lévinas, le moi est fondamentalement critiqué. Il y a un côté pascalien même chez lui. Le moi est haïssable, je dois m'effacer devant autrui. Et en même temps, pour soigner autrui, je dois bien aussi exister et je dois même avoir été moi-même soigné. Et c'est-à-dire c'est cette construction du moi par autrui aussi qui échappe un peu à Lévinas. On prenait l'exemple de l'inquiétude maternelle, donc la mère qui est obsédée par la fragilité de son enfant. Bien sûr, mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a des mères maltraitantes? Pourquoi est-ce qu'il y a de la violence? Peut-être que pour être obsédé par l'autre, il faut avoir été soi-même l'objet de l'obsession d'un autre. Et il faut que d'autres aient pris soin de nous. Et il faut que le soi existe, que je puisse prendre soin de moi pour pouvoir soigner autrui. Et donc Lévinas, par cette critique de la métaphysique occidentale du sujet, qui selon lui est l'adversaire, qui même en un sens explique le nazisme, il reprend à Heidegger l'idée que les grandes violences historiques s'expliquent par des grandes erreurs philosophiques. Ce dont je suis pas sûr, ça s'explique aussi par des forces vitales très négatives, très profondes. C'est un grand cas de la philosophie. Voilà, une grande responsabilité de l'ontologie. C'est l'ontologie qui explique les grandes erreurs. Bon, peut-être, mais Freud nous a dit qu'il y a aussi des forces négatives dans la psyché humaine et que concrètement, il faut aussi que nos parents, nos amis, nos amours nous entretiennent dans la positivité de la vie pour que nous puissions soigner autrui. Les soignants d'aujourd'hui, souvent sous une injonction faussement lévinassienne, avec des sermons, je dirais parfois un peu lévinassiens, on leur dit « mais dévoue-toi à autrui », mais ils ont le droit aussi de qu'on prenne soin d'eux. Et je pense donc que le soin est plus réciproque et pas seulement pur dévouement. Mais sans l'exigence lévinassienne, disons, la question éthique disparaîtrait. Peut-être qu'il faut le compléter, mais certainement pas l'abandonner. Et alors, dans le cas des migrants, par exemple, puisque vous l'évoquiez, si on est fidèle à l'éthique lévinassienne, autrui avant soi, ben, on accueille tout le monde. Et déjà, tous ces visages qui apparaissent devant nous en photo, bien souvent, on ne peut pas ne pas les regarder. On sauve tout le monde. Laisser mourir, c'est sûr, c'est impossible. Et cette inconditionnalité-là, elle est absolument fondamentale et elle doit nous revenir de Lévinas. On confond cette exigence première, vraiment primitive, devant la vulnérabilité, qui est le premier geste de l'hospitalité. Pourquoi est-ce que je dois accueillir? C'est parce que sinon l'autre meurt. Il est dans le froid, dans la neige, ou il est dans la mer. Et là, il y a de l'inconditionnel. Après, entre l'autre question de l'accueil, qui est la question du tiers, la question politique. Est-ce que l'Europe peut et doit répartir l'accueil concret au long cours, l'insertion dans une vie, l'éducation, le travail, tout ce qui vient après? Oui. Et là, l'articulation de l'éthique et de la politique, ce que Levinas appelle le tiers, des institutions qui vont répartir. Oui, il faut aussi que ça ait lieu. Et c'est vital, parce que sinon, effectivement, l'immensité du devoir moral devient ingérable. Ouais. Le face-à-face, nous devons nous le représenter. Nous devons être comme si nous étions sur l'Aquarius. Chacun doit se représenter ces zodiacs qui coulent. Mais en même temps, évidemment, nous sommes aussi... Heureusement, il y a des institutions pour prendre le relais. Levinas est parfois trop silencieux sur ce relais politique de l'éthique. Je pense qu'aujourd'hui, là aussi, il faut le compléter. Comment est-ce que le face-à-face, qui devient presque vertigineux, qui nous obsède, parce que nous savons que nous sommes en train d'être sur les bateaux, qui obsèdent, nous sommes tous sur l'Aquarius. Et en même temps, voilà, il y a des pays qui refoulent l'Aquarius. Et donc, il faut évidemment... qu'au-delà de notre imagination morale, qui est lévinassienne, qui est camusienne, heureusement, ils sont là, ils nous obsèdent, ils nous culpabilisent, ils ont raison. Mais au-delà, il faut aussi un relais politique très, très puissant. Et là, il faut compléter cette injonction morale par des institutions européennes. Quelle place pour la religion dans cette éthique lévinassienne? Parce que ce que l'on dit d'autrui depuis tout à l'heure peut laisser penser à des phrases alors plutôt de la religion chrétienne, hein, aime ton prochain comme toi-même, etc. Chez Lévinas, c'est plutôt la religion juive qui est très importante pour lui. Quel lien entre cette religion et sa philosophie? Alors vous l'avez entendu dans sa signature autobiographique, il mentionne d'abord la Bible, puis l'étude du Talmud. Au fond, la question est très simple pour lui. Au fond, il n'y a pas de différence. L'éthique, la religion au sens justement qu'il lui donne, et la métaphysique sont indiscernables. La religion telle qu'il l'entend, c'est pas une croyance personnelle. C'est une loi qui manifeste une transcendance dans son humanité même. Et finalement, c'est pas le rapport à Dieu, mais le rapport au texte pour lui. C'est pour ça qu'il reste quand même dans la fidélité à ce rapport du judaïsme, à la Bible, à son commentaire, qui pour lui vise toujours intervenir le commandement absolu par rapport à l'autre. Donc pour lui, il n'y a aucune différence. Dès qu'il y a une différence, on tombe dans la superstition. Une religion qui ne serait pas morale, ça n'est plus, c'est de la superstition, c'est de l'idolâtrie. Donc il y a une critique très puissante ici de la religion. Il y a une identification, un peu comme chez Bergson, de la morale et de la religion ouverte contre la morale et la religion close. Donc, c'est ça l'exigence. Et il ne faut pas se tromper. En même temps, évidemment, il cherche, lui, à aborder la question fondamentale par tous les bouts. Par la philosophie, parce qu'il faut la démontrer sans passer par des textes, sans présupposer des textes d'une tradition. Il faut aussi passer par les textes, aussi pour réhabiliter ce qui, dans les traditions, rejoint la morale. Et il faut passer par la vie, et il faut passer par l'histoire. Donc, au fond... ce sont différentes approches d'un même foyer brûlant, d'un même foyer commun. Et celui qui voudra les distinguer, on pourrait dire, vous savez, Rousseau dit, celui qui voudra séparer la morale et la politique ne comprendra jamais rien à aucune des deux. On pourrait dire, pour Lévinas, celui qui voudra séparer la morale et la religion en ce sens-là ne comprendra jamais rien à aucune des deux. Oui, c'est ça, en ce sens-là, encore faut-il définir ce qu'on entend par religion. Et contre un autre, contre un autre sens, contre l'idolâtrie. En ce sens, il reprend aussi le geste de briser les idoles. C'est surtout un rapport au texte, en fait, dans son judaïsme. Au texte, en tant qu'il est issu de l'expérience humaine et qu'il cherche à conjurer la violence entre les humains. J'ai eu un professeur d'hébreu qui m'enseignait la Bible et l'hébreu moderne très tôt. Et la culture hébraïque m'a toujours été donnée en guise de culture universelle, apportant les valeurs mêmes qui sont répandues en Occident. C'est ainsi que les choses ont été présentées. Et je pense qu'ils étaient présentés selon leur vérité. Quand on l'entend, alors c'est toujours en mars 1981, au micro de Philippe Nemo. C'était d'ailleurs les chemins de la connaissance à l'époque, nous en sommes les héritiers aujourd'hui. Il identifie judaïsme et universel en réalité. C'est pour ça que le terme de religion paraît étrange ici, c'est qu'on se dit mais qu'est-ce qui reste de la religion dès lors qu'en fait il parle de l'homme universel tel qu'il le conçoit dans sa philosophie. Mais parce que, précisément, ce qui l'intéresse dans la religion, entre guillemets, ou dans la philosophie, entre guillemets, c'est l'universel et la morale. Ça sert de critère dans tous les domaines. les religions se divisent elles aussi en ouvert et en clos, comme Bergson, que Lévinas reprend sur ce point, on pourrait le montrer en détail, l'avait montré. Bien sûr que dans le judaïsme, comme dans toute identité, ou dans toute religion, justement, il y a une tendance à l'identité close et guerrière. Lévinas n'y a pas toujours entièrement échappé, soyons clairs aussi. Et s'il y a une guerre aujourd'hui entre ses disciples, eux-mêmes... Une guerre, vraiment ? C'est peut-être un peu fort, mais malgré tout, disons que il peut y avoir des dérives. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder absolument, c'est que pour lui, ce qu'il y a de vital dans la tradition du judaïsme, c'est cette dimension universelle. Donc c'est évidemment une exigence, ça n'est pas une évidence, c'est une exigence à maintenir contre des replis ou des dérives dont aucune identité n'est exempte. Mais il est évident pour lui, quand il écrit en 1934 son tout premier texte en France, ça s'appelle « Une philosophie de l'hitlérisme », c'est pour rappeler à des lecteurs d'une revue chrétienne qui était Esprit, qui venait de naître en 1932, juste avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, que Hitler... C'est la négation du judaïsme, du christianisme et de la philosophie, parce que c'est la critique de l'universel. Et donc, il doit y avoir une solidarité des universalismes contre tout ce qui va toujours les détruire tous ensemble. Et donc, au fond, voilà, il faut absolument... et le judaïsme est pour lui, évidemment, il faut revendiquer cette part d'universel dans le judaïsme, à la fois contre l'antisémitisme et contre des réflexions auxquelles il a rendu hommage, par exemple Sartre, qui a libéré aussi la question juive de l'antisémitisme, mais au prix d'une dilution du judaïsme dans un universel abstrait. Mmh. Hein? Et pour lui, bah non, chaque tradition, on peut aussi, dans la vie de chaque tradition, retrouver l'universel de tout le monde. On reviendra sur ces rapports entre philosophie et judaïsme, et notamment entre le fini et l'infini, mercredi. Ce sera en compagnie de Catherine Chalier. Un dernier point, Frédéric Worms, pour clore ce portrait d'Emmanuel Lévinas en ce début de semaine. Vous avez parlé de son texte « Totalité et infini ». On trouve dans ce texte un passage assez... C'est le livre majeur, quand même. Le livre majeur. C'est le chef-d'œuvre. Est-ce qu'on peut commencer par ça ? Pour entrer dans Lévinas ? Oui. Absolument. Bon. N'ayez pas peur. Vous êtes sûr ? Bon, n'ayez pas peur. On trouve en tout cas un texte assez surprenant qu'on recommandera sans doute également demain, mais qui nous permet d'aborder un terme qu'on n'a pas encore évoqué. On a dit qu'il était du côté de la phénoménologie, de la description de ce qui est, davantage que sur la réflexion de l'essence même des choses. Eh bien, on trouve dans ce texte une phénoménologie de l'éros, qui met en scène et qui décrit une manière qu'a le corps de se comporter lorsque celui-ci désire. Et on a du mal à voir le lien, après vous avoir écouté, entre cette injonction d'autrui qui dit dans son visage « tu ne tueras point » et qui m'enjoint à agir moralement, et, disons, un rapport érotique et fait de désir à ce corps de l'autre. Comment ça marche ? Mais parce que « Totalité et infini », le titre le dit bien. Au fond, notre aspiration, c'est de sortir de la totalité, comme s'il y avait quelque chose au-delà de tout. Ça paraît absurde, le tout. Bah, qu'est-ce qu'il peut y avoir en plus du tout ? On se croirait dans un sketch de Raymond Devos. Il y a quelque chose en plus du tout, comme il y a quelque chose qui serait moins que rien, etc. Eh bien, effectivement, autrui est cet infini au-delà de la totalité, non seulement dans une aspiration qui m'entraîne au-delà de moi-même et de la maîtrise de tout le monde, non seulement dans une injonction éthique, mais aussi dans l'amour. Dans l'amour et le désir, qui n'est pas une prise de possession, il va distinguer désir et besoin. Mmh. La caresse n'est pas là pour maîtriser le corps de l'autre, mais au contraire pour justement y sentir son insaisissabilité, sentir son altérité. Et au fond, c'est une très belle description de l'éros. Pendant la guerre, il avait commencé à écrire un roman qui s'appelait Eros, et finalement, qui a récemment été enfin édité. Les premières pages, qui d'ailleurs s'ouvrent sur l'effondrement de la France. Donc malheureusement, l'éthique a pris le pas sur l'amour, l'urgence sur le désir. Mais oui, il n'y a pas seulement du négatif chez Lévinas, il y a le désir, avec cette ambiguïté qu'il est pour le féminin. Voilà, bah, merci d'en parler. Et de même, je vais tout de suite anticiper votre autre question, la filiation, c'est le fils et pas la fille. Ouais. Donc là aussi, on peut dépasser des ambiguïtés lévinassiennes sans renoncer à son exigence. Là aussi, il parle du féminin avec un F majuscule. Le féminin, alors c'est quoi ? Ça veut dire qu'on l'a dit, c'était des étiquettes. L'autre, autrui, il n'est pas asexué, il n'est pas genré, c'est vraiment autrui. Là, on parle du féminin, c'est-à-dire qu'il y a une différence quand même entre les humains, entre autrui n'est pas toujours autrui ? Peut-être autrui femme ou autrui homme ? On peut le lire de deux façons. Soit comme un préjugé quand même, entre guillemets, genré de son époque, soit comme une manière d'assumer que c'est un homme au sens masculin du terme qui parle, et que pour être dans l'altérité concrète, il doit nommer le féminin. nommé l'altérité de son désir. On peut le voir comme ça. Je pense que, pour moi, c'est évidemment un peu réducteur. Je pense qu'il y a la même altérité dans l'amour pour une femme, sans dire le féminin. Sans bon, après, pour l'entendre au sens lacanien, où le féminin se trouve chez les hommes aussi. Oui, hein. Mais enfin, quand même, il y a quand même un risque d'essentialisation du féminin. Et de même, on peut être surpris, choqué aussi, que quand il parle de la paternité, d'abord, il dit paternité. La mère est celle qui est inquiète et le père est celui qui se prolonge dans la transcendance. Vous voyez, la mère est du côté du négatif, elle est inquiète, et le père est du côté de l'ouverture, il se prolonge par son fils. Il entre dans une autre temporalité. Donc, il y a quand même un peu du préjugé, on peut quand même le dire, on pourrait le critiquer. Et la paternité, en plus, pour le fils. Et donc, au fond, il y a quand même un petit peu ce risque. Mais je crois que c'est vrai chez tous les philosophes. Parfois, ils sont en tension avec eux-mêmes et ça montre à quel point le lévinassisme rigoureux est exigeant. On se quitte avec un dernier son. Vous parliez de l'amour du père pour son fils. Emmanuel Lévinas a un fils qui s'appelle Michael Lévinas, qui est un grand pianiste que voici. Lévinas était à la fois, je crois, un penseur central, mais il avait la chance d'être marginal aussi. C'est-à-dire de pouvoir s'égarer et découvrir. Ce rythme est celui qu'on a évidemment, j'ai tenu personnellement, que dans les carnets de captivité, on laisse bien la trace de cet accès à la pensée par l'accident. L'accident, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en musique, c'est un terme boulésien. Il s'agit d'une expérience très forte, d'ailleurs que j'ai retrouvé dans les bifures, par exemple, beethoveniennes, dans les bifures de bussistes, c'est-à-dire la manière dont le concept n'est pas préétabli, la manière dont il est capté, dont il est attrapé, la manière dont il oblige à des renoncements, c'est-à-dire des échecs. Et ces échecs, il ne s'agit pas de les sanctifier, mais il s'agit, comme disait Lévinas, de les goûter, c'est un terme gustatif, de les goûter à travers les détours de la langue. Et oui, la langue de Lévinas que son fils caractérise des sortes d'hésitations avec les échecs à goûter, dit-il, et le parallèle entre la langue et la musique est assez convaincant, Frédéric Brams. Oui, par deux côtés, parce que d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut critiquer le langage de la métaphysique ordinaire qui nous fait manquer l'altérité d'autrui, donc critiquer l'écriture. Et au fond, Michael Lévinas est un musicien contemporain qui a aussi vu sans doute certains risques dans une écriture classique. Il est compositeur aussi. Oui, compositeur. Et puis, en même temps, la musique, comme la philosophie, reste charnelle. Au fond, faire se tenir par-delà le concept, à la fois ce qui est au-dessus de lui, une certaine exigence critique hein, aussi d'ouverture et de transcendance, mais en dessous, une sensibilité vitale et charnelle, ce sont leurs gestes profonds. Et en même temps, n'oublions pas quand même que Lévinas, dans la pédagogie, dans l'explication, parce que vous allez faire peur au lecteur, c'est à la fois quelqu'un de très concret, de très profond, mais en même temps de très clair. On a une semaine pour le convaincre. Merci beaucoup Frédéric Worms. Merci à vous, Adèle Andrade. D'être venu nous donner envie de le lire, en tout cas cette semaine. Je renvoie à l'entretien que vous avez accordé à Philosophie Magazine, hein, pour le hors-série sur Lévinas dont nous sommes partenaires et qui nous accompagnera cette semaine. On se quitte avec un clin d'œil à Bobby le chien, le dernier cancien d'Allemagne. Voici Black Eyed Dog de Nick Drake. Black-eyed dog, he knew my name. France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le regard et la chronique d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question aujourd'hui est la suivante. Le sommeil est-il la drogue la plus puissante de toutes ? Alors, à première vue, c'est une drogue un peu décevante, aux effets assez fades. D'un autre côté, c'est probablement la première drogue qu'on a expérimentée. Le pavot a d'abord été exploité pour ses vertus soporifiques. Il y a, de toute façon, dans la prise de drogue, un paradoxe. Il n'est jamais certain qu'on se drogue vraiment, auquel cas, le sommeil serait une drogue suffisante. Et que voulez-vous dire quand vous dites qu'on ne se drogue pas vraiment ? Bah, qu'il n'y a pas de différence ontologique entre l'état de bien-être qu'on obtient, par exemple, en courant, et celui qu'on s'administrerait artificiellement. L'endorphine est de la même famille que l'opium. Ce n'est pas la même substance, leurs effets ne sont pas identiques, mais ce par quoi ils diffèrent le plus, leur mode d'administration, l'une des molécules produites par le corps est endogène, l'autre exogène, est à peu près aussi insignifiant que de savoir si la drogue qu'on consomme vient du Népal ou d'Afghanistan. Intéressant pour le douanier, peu pertinent pour le consommateur. Alors là où les écrivains hippies rêvaient du voyage à Katmandou, ceux de la génération suivante, les écrivains cyberpunk, rêvaient plutôt, par quelques modifications du cerveau, de rendre toutes les drogues endogènes. La pompe que nous actionnons en courant ne serait que le prototype rudimentaire de ces systèmes d'administration futuristes qui nous permettraient d'accéder aisément à toutes sortes d'états de conscience modifiés. The year is 2021. Reloading or not? The world is wired. Your storage capacity? I can carry nearly 80 gigs of data in my head. Information is power. And secrets are a thing of the past. Unless you hire a courier like Johnny Mnemonic. Hit me. All that in your head anyway. I had to dump a chunk of long-term memory. You had to dump a chunk of what? My childhood. For Johnny, inputting the data was easy. Alors ce que nous disent ces rêveries cyberpunk, c'est que de toute façon, la drogue, c'est comme tous les poisons. S'ils étaient trop étrangers au corps, ils seraient sans effet. On ne meurt pas de l'arsenic car l'arsenic nous est hostile, mais parce qu'il nous aime trop. En cela, la meilleure métaphore de la drogue, c'est bien la métaphore cyberpunk de l'émulateur. Et qu'est-ce que c'est un émulateur ? Alors un émulateur, c'est un ordinateur sur lequel on fait tourner un autre ordinateur. On peut ainsi télécharger sur une console de jeu, une console de la génération précédente, une console virtuelle sur laquelle faire tourner ses anciens jeux. Et cela ressemble assez à l'image qu'on se fait de la drogue, l'irruption d'une substance exogène. Ce qui rend cependant l'émulation possible, c'est qu'elle est déjà comprise comme possibilité dans tout système informatique. On peut même résumer l'histoire de l'informatique à celle de l'émulation. Il ne s'agit pas seulement, pour un système avancé, de simuler le comportement d'un système plus frustre, d'émuler comme on se défonce. L'inverse est tout aussi possible. Le ruban de papier sur lequel se déplace une tech de lecture dans l'expérience de pensée originelle d'Alan Turing contient, en théorie, la totalité de l'histoire ultérieure de l'informatique. Donc c'est ainsi que notre cerveau, si je vous suis bien Aurélien, peut supporter les deux opérations, être émulé dans les deux sens. Bah, il n'y a pas de différence de nature entre l'abrutissement que procure un narcotique et le sentiment d'expansion infinie des drogues hallucinogènes. Notre cerveau supporte les deux opérations, ou plutôt, notre cerveau se tient exactement entre les deux, qu'il calcule plus lentement, et c'est le sommeil, que le ruban défile plus vite, et c'est la réalité augmentée du LSD ou de la mescaline. Mais alors le sommeil n'est pas la drogue la plus puissante de toutes ? Bah, à moins de considérer l'état de veille, c'est-à-dire le sentiment hallucinant de l'existence du monde, l'ivresse de la conscience, le bad trip de la peur de la mort, comme le véritable effet de cette drogue endogène qui consiste, par de brusques accès dont la quotidienneté nous a fait oublier le caractère spectaculaire, à s'endormir soudain. Eh ben, ça me donne envie de dormir précisément. Merci beaucoup Aurélien, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Clément Daté à la prise de son, Vincent Schmitt à la lecture des textes lévinassiens. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Emmanuel Lévinas en partenariat avec Philosophie Magazine. Nous serons demain en compagnie du philosophe François-David Seba. et à qui je poserai une question que soulève Lévinas, à laquelle nous allons tenter de répondre, comment rencontrer autrui. Il sera question du visage, de défiguration également, de désir et de responsabilité, tout un programme. Ce sera demain à 10h, mais d'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, en face à face, par exemple, pour mettre en pratique l'éthique lévinassienne. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Nous, on sera là. Et vous, d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.